franceinter.fr. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Fassbinder, La peur en question. Une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Julien Barazer, réalisée par Cédric Ossir. Rainer Werner Fassbinder, le génie du cinéma allemand, est mort à 37 ans après avoir écrit et réalisé 42 films et une vingtaine de pièces de théâtre. Aussi radical que provocateur, son ambition a toujours été de faire voler en éclats les tabous de la société allemande, de décrire les rapports de pouvoir et de domination aussi bien personnels que politiques. En 1975, il met en scène à Francfort, dans le théâtre qu'il dirige, sa nouvelle pièce intitulée « Les ordures, la ville et la mort ». Tout un programme. De fait, c'est un projet sulfureux, une charge anticapitaliste qui met en scène les bas-fonds d'une société corrompue par l'argent, prise au piège d'un système qui joue sur la peur et la haine du personnage du riche juif qui profite de son statut pour exploiter les autres personnages. Le scandale est énorme, outre-Rhin. On accuse la pièce d'antisémitisme, bien sûr. Le soir de la première, le spectacle est interrompu par des membres de la communauté juive de Francfort venus protester contre ce spectacle. Face à la levée de boucliers et au climat très tendu, Fassbinder renonce à faire jouer la pièce et son éditeur met le texte au pilon. Pourtant, en 1976, il l'adapte pour le cinéma et demande à son ami, le metteur en scène suisse Daniel Schmidt, de réaliser le film qu'il intitule « L'ombre des anges ». À sa sortie, le scandale reprend de plus belle en Allemagne et le film est très vite déprogrammé. L'affaire prend une dimension internationale après la projection au Festival de Cannes et le départ de la délégation israélienne. Le débat s'exporte ensuite en France et le 13 février 1977, le secrétariat à la culture décide d'interdire le film. Des voix s'élèvent contre cette décision, notamment celle de Gilles Deleuze, qui publie le 18 février 1977 une tribune dans Le Monde, billet dans lequel il écrit qu'il ne faut pas confondre énoncé et énonciateur et que cette interdiction fait le jeu des néofascistes. Cependant, les protestations n'y feront rien. La pièce attendra 1987, soit 5 ans après la mort de Fassbinder, pour sa première mondiale à New York, et le film « L'ombre des anges » ne sera programmé que beaucoup plus tard, lors de rétrospectives comme au Festival de Locarno en 1999 ou encore en France, à la Cinémathèque de Paris en 2011. Cette fiction consacrée à Fassbinder est la première d'une série de 5 écrites par un jeune scénariste de la Fémis pour Affaires Sensibles. En effet, tout au long du mois de mars, nous diffuserons les vendredis des fictions écrites par des jeunes auteurs de cette grande école de cinéma qui partagent avec nous la même passion pour la radio. Aujourd'hui, nous recevons Julien Barazer qui a donc écrit cette fiction Fassbinder, La peur en question. Bonjour Julien Barazer. Bonjour. Bienvenue à France Inter, cette Merci. Maison pour laquelle vous avez écrit cette fiction. Alors il y a le choix, hein, toujours dans les fictions, ce siècle est riche en personnages, en fragments de biographie, en moments importants de leur vie. Pourquoi Fassbinder déjà ? Alors déjà parce que je suis fraîchement diplômé de la Fémis en tant que scénariste, que j'avais envie de faire le lien avec le cinéma, et que Fassbinder m'accompagne depuis de nombreuses années. C'est un metteur en scène que j'admire beaucoup. J'aime sa radicalité, la façon frontale dont il a décidé de présenter l'Allemagne de son époque et l'histoire allemande. Et voilà, il y avait cette affaire sur la pièce « Les ordures, la ville et la mort », son interdiction, qui moi m'interpelle en tant qu'auteur, évidemment. C'est une question qui est importante. À quel moment est-ce qu'il y a censure ? Pourquoi ? Qui protège-t-on ? Voilà, ce sont de vraies questions qui sont posées à travers ça. Gilles Deleuze disait dans son texte que ce qu'on retiendra de l'histoire, c'est que le débat aura été avorté. Et de fait, le film a été interdit et peu de gens ont pu le voir. En quoi l'auteur et l'histoire sont-ils le représentatif de cette Allemagne des années 70, dans laquelle peut-être vous vous êtes plongé, parce que c'était l'environnement de Fassbinder? Oui, il y a Fassbinder dans son cinéma, il fait voler en éclats toute l'hypocrisie de la société de l'Allemagne, de l'Ouest, qui vit un petit miracle économique, où les choses se passent bien, où on règle pas vraiment les problèmes, l'histoire, le nazisme, on n'en parle pas. Et lui, au contraire, tout son cinéma, c'est faire en sorte de marteler, montrer, démontrer, décrire, essayer de donner une vision parfois très très sombre, très noire de l'Allemagne. Il est anticonformiste, anticapitaliste. Il a une vision du libéralisme qui est terrible. Il dépeint dans ses films comment le capitalisme fait en sorte que les gens entre eux s'exploitent, même au niveau des émotions, des choses comme ça. Et donc tout ça est ce qui m'intéresse et ce qui m'intéressait de développer dans la fiction. C'est une belle matière, quoi. Oui, bien sûr. Alors, vous avez dit quelque chose d'intéressant, enfin, tout est intéressant, mais notamment ce que vous avez dit au début, quand vous dites, voilà, j'ai fait la Fémis en tant que scénariste, et vous avez parlé donc de cinéma. Mm-hmm. En quoi l'écriture d'une fiction pour la radio est-elle particulière, ou en quoi peut-elle se rapprocher de l'écriture de cinéma? Alors après, la base reste la même, hein, c'est-à-dire raconter une histoire, mettre en place des personnages, créer une situation, un conflit, une résolution. Enfin voilà, on est toujours un petit peu dans la même chose. Après, ce qui moi m'intéressait là, c'était la... Je suis parti sur une fiction, on est dans un huis clos, je me suis beaucoup inspiré de l'Allemagne en automne, la partie que Fassbinder a réalisée. Et je me suis intéressé surtout à la joute verbale, ouais. Vous allez voir, c'est un peu particulier par rapport à ce que vous faites d'habitude à faire sensible. Mais voilà, avoir le son, la voix, la pensée, voilà, c'est un texte vraiment sur la liberté d'écrire et de penser. Mais dans le processus d'écriture, le fait qu'on écrive pour un univers où on ne voit pas les gens, on ne fait que les entendre, ça a une influence sur l'écriture et la manière de monter l'architecture comme ça d'un texte et d'une histoire. Bah, moi, j'ai surtout fait un travail sur l'émotion, à travers justement les mots, les énergies. On a fait un très très beau travail, je trouve, avec les acteurs et Cédric Ossir. Bon, eh ben on y va, tiens. Rentrer dans cette fiction, Julien Barazer. Merci. Au revoir. Alors après la fiction, nous continuerons à explorer l'univers de Fassbinder avec Pierre Maillet, acteur et metteur en scène de théâtre. Il était le premier à monter la pièce Les ordures, la ville et la mort de Rainer Werner Fassbinder. C'était en 2003 à Rennes. Et il est bien sûr notre invité. Fassbinder, la peur en question, de Julien Barazer. Fassbinder. C'est moi, Ingrid. Tu tombes mal. Je suis d'une humeur de chien. J'ai pas quitté l'appartement depuis des jours. C'est le seul endroit encore à peu près vivable sur cette terre. Enfin, je parle surtout de mon bureau. Munich me dégoûte. Je devrais m'en aller, on étouffe ici. Je vais m'exiler à Hollywood, ou te rejoindre à Paris. C'est comment là-bas en ce moment? Paris est comme toujours, sale et sublime. Tu sais la nouvelle? Non. Je sors pas et je m'informe plus. En ce moment, tout m'emmerde profondément et je sens au son de ta voix que ça va pas s'arranger. Ils viennent d'interdire l'ombre des anges en France. Qui ça, il? La brigade du bon goût? Oui, quelque chose comme ça. Le secrétariat d'État à la culture a rendu sa décision aujourd'hui. Trop de pression, trop de scandales. Le film est encore à l'affiche au Saint-André-des-Arts et au MacMahon, mais ils vont devoir le retirer. La peur de la peur a encore gagné. C'est fascinant et effrayant comme la ville cherche toujours à se protéger en prétextant les pires menaces. Ils me disent antisémite. F dit l'antisémite. Ainsi, le débat est clos. Circulez, messieurs, dames, y a rien à voir. On va contester cette décision minable. Vraiment, tu crois que c'est une bonne idée? Encore une fois, je vais m'épuiser à expliquer l'évidence même. Quelque chose qui me semble superflu de souligner, mais puisque cela ne semble toujours pas acquis, je vais le redire. Mes personnages ne sont pas le reflet de mes opinions. Alors oui, je vais rédiger quelque chose. Tu n'es pas de mon avis? Tu dis rien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a tellement de bruit autour du film que j'ai l'impression qu'il n'y a plus de place pour le film lui-même. T'auras beau écrire toutes les tribunes que tu veux, faire toutes les réclamations qui te semblent justes, la vie du film depuis sa première à Cannes, c'est le départ de la délégation israélienne, les scandales, les menaces, les alertes à la bombe dans les cinémas, l'interdiction en Allemagne et maintenant ici, en France. J'ai le sentiment que quoi qu'on fasse ou quoi qu'on dise, le film n'existe plus déjà. Alors on laisse tomber? On fait rien? On dit plus rien, on doit se taire. C'est insupportable ce que tu dis. Tu sais très bien que j'ai raison. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, mais je ne vois absolument pas ce qu'on peut faire de plus. Notre argument, c'est le film. Il parlera toujours mieux que n'importe quelle tribune. Seulement, avec cette nouvelle interdiction, il ne participe plus du tout au débat. Tout est trop à vif, trop extrême. Les gens qui te connaissent savent bien que tu n'es pas antisémite. C'est un faux procès. Et tes films parlent pour toi. On m'a déjà accusé de tout. D'être homophobe, anticommuniste, machiste, raciste. Certains n'arrivent pas et n'arriveront jamais à dissocier l'auteur des personnages qu'il invente. Le miroir que je tends aux spectateurs leur est tellement insupportable qu'il faut bien qu'ils réagissent. Ça fait partie du jeu et je l'accepte. À condition qu'on me laisse m'exprimer. Oui, je sais bien que c'est pas la première fois. Tu te souviens des deux PD qui voulaient te casser la gueule à l'avant-première du Droit du plus fort? Ils nous avaient suivis jusqu'au taxi en hurlant que tu les avais trahis, que c'était une honte pour la communauté homosexuelle. Comme si un film pouvait représenter à lui seul l'ensemble d'une communauté. Oui, je me souviens d'eux. Ils avaient vu ce qu'ils voulaient bien y voir. Et je peux au moins me réjouir d'une chose, c'est qu'ils aient pu voir le film. Les films appartiennent aux spectateurs. Moi, je pose des questions. Après, ils en font ce qu'ils veulent. Ça peut plus dépendre de moi. Mais peut-être qu'il faudrait faire des films qui ne questionnent rien. De la fiction rassurante. De l'endorphine pour la bonne ville et ses bonnes gens. Même si tu le voulais, t'en serais incapable. Tu trouverais forcément un moyen de provoquer. C'est plus fort que toi, tu pourrais pas t'en empêcher. D'ailleurs, t'en es où avec ton dernier projet? Il paraît que la FFA va pas le soutenir. C'est vrai, on en est là? Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. J'ai pas besoin d'eux. Je financerai mon film autrement et je le ferai ailleurs. La Terre est inhabitable comme la Lune. Je pourrais pas trouver meilleur titre. S'ils veulent me faire taire, ils vont juste réussir à me faire gueuler encore plus fort. Enfin, là-dessus, je peux te faire confiance. Tiens, Deleuze a écrit à Daniel, il va publier une tribune dans Le Monde. Il lui a envoyé le texte ce matin, je te lis un passage. Daniel Schmitt a dit son intention politique et le film ne cesse de la montrer de la manière la plus simple et la plus évidente. Le vieux fascisme, si actuel et puissant qu'il soit dans beaucoup de pays, n'est pas le nouveau problème actuel. On nous prépare d'autres fascismes. Tout un néo-fascisme s'installe par rapport auquel l'ancien fascisme fait figure de folklore. Au lieu d'être une politique et une économie de guerre, le néo-fascisme est une entente mondiale pour la sécurité, pour la gestion d'une paix non moins terrible avec organisation concertée de toutes les petites peurs, de toutes les petites angoisses qui font de nous autant de micro-fascistes chargés d'étouffer chaque chose, chaque visage, chaque parole un peu forte dans sa rue, son quartier, sa salle de cinéma. Je n'aime pas les films sur le fascisme des années 30. Le nouveau fascisme est tellement plus raffiné, plus déguisé. Il est peut-être, comme dans le film, le moteur d'une société où les problèmes sociaux seraient réglés, mais où la question de l'angoisse serait seulement étouffée. C'est exactement de cela qu'il s'agit. C'est cela que le film exprime. Et toute cette affaire en est la parfaite illustration. On étouffe la pensée pour ne pas avoir à penser. Tu vois que la parole est importante. Les tribunes sont importantes. Oui, nous avons des soutiens. D'ailleurs, Paolo Branco va organiser dans les jours qui viennent une soirée pour protester contre l'interdiction du film. Il va faire ça dans son ciné à Paris. Et Foucault et Danet seront là. C'est important qu'on y soit. Et puis, ça va te faire du bien de quitter Munich. Prends ton billet, on viendra te chercher à l'aéroport avec Daniel. Oui, faisons comme tu dis. Je te rappelle quand c'est fait. Ciao. Armin. Armin. Armin. Je suis là, pourquoi tu hurles? Qu'est-ce que t'as fait de la bouteille de schnapps? Laquelle? Celle que t'as terminée hier soir ou celle qui est vide devant toi? T'as pas été faire les courses? Si. Et j'ai aussi racheté des bouteilles. Eh ben va en chercher une, reste pas planté là comme un âne. Et prépare-nous deux verres. On va trinquer à la censure. Pourquoi t'as mis ton blouson? Je t'entends pas, attends, j'arrive. Qu'est-ce que tu dis? T'as mis ton blouson, t'as froid? Les villes sont froides, les gens qui y habitent ont raison d'avoir froid. Non, j'allais sortir, je vais boire un verre à l'Éden. Tu viens avec moi? Serre-moi un verre. Je suis pas d'humeur pour l'Éden ce soir. Ils viennent d'interdire l'ombre des anges en France. Je préfère rester ici et boire à la bonne santé des censeurs. Grâce à eux, la ville va pouvoir encore dormir paisiblement ce soir. Pourquoi tu me regardes comme ça? Parle, dis-moi. Je sens que ça te brûle les lèvres. Pour que tu me craches ton venin à la gueule, non merci. J'ai pas la force de me disputer avec toi. Mais parle, puisque je t'écoute. Tu t'attendais à quoi? Déjà, la pièce a été interdite. Tu l'as toi-même fait retirer de l'affiche après la manifestation au théâtre de Francfort. Ensuite, vous en avez fait un film avec Daniel, il a été interdit en Allemagne. Et maintenant, il est interdit en France. C'est quoi, la nouveauté, hein? Moi, je n'y vois rien de surprenant. Non, tu as raison. C'est même l'inverse qui aurait été surprenant. Mais par contre, ce qui est vraiment surprenant, c'est que tu dis ça comme si ça allait de soi. Comme si tu le comprenais. Tu touches au sujet le plus tabou de la société allemande et maintenant t'es amer parce qu'on interdit ton film partout. C'est pas très cohérent. Ils allaient tout de même pas t'envoyer une bouteille de schnapps. Je l'ai bien mérité. C'est ça que t'es en train de me dire. Non, non, je dis pas ça. Mais je peux comprendre leur décision. Il y a des sujets qu'il vaut mieux ne pas aborder. T'es dans la provocation, tu l'as toujours été. Cette fois, t'as été trop loin. Tu es donc d'accord? Tu trouves ça juste? J'ai pas à être d'accord ou pas. C'est pas ma décision, j'y suis pour rien. Mais ça te dérange pas que des gens décident pour toi? Que l'État te prive de ta liberté de choisir d'aller voir le film ou non? Dans certains cas particuliers, je l'admets, ça me dérange pas. Je trouve ça même plutôt rassurant. Et c'est pourtant ça qui devrait te faire peur. Laisser les autres penser pour toi. Je suis consterné. T'as rappelé ton dealer? Je croyais que t'avais arrêté. Contrairement à toi, j'ai besoin de rester éveillé. Donc pour toi, c'est une bonne chose que le film soit interdit. Tu te sens mieux ainsi, tu te sens protégé. Tiens, lis ça. Ce sont les dernières pages que j'ai écrites. Dis-moi, qu'est-ce que je suis censé en faire? Je les brûle tout de suite ou j'attends la prochaine interdiction? Arrête, tu mélanges tout. T'as bien vu ce que provoque ce film? Je te parle pas de tes autres films. Mais enfin, j'invente pas. Tu le sais bien que les gens le rejettent, et pas seulement les juifs. Les gens ne veulent pas de cette histoire. De ce riche juif cupide qui exploite les autres pour faire fortune et à qui tu n'as même pas donné de nom. Un juif haï de tous et particulièrement par d'anciens dignitaires nazis qui lui reprochent de leur sucer le sang. Ce sont d'horribles clichés qui nous ramènent aux pires heures de notre histoire. Des choses qu'on a déjà entendues et qu'on ne veut plus entendre. Nous sommes allemands. Nous ne pouvons tout simplement pas réveiller ces vieux démons. De vieux démons? Mais dans quel monde vis-tu? Je suis pas allé bien loin pour imaginer les personnages. Je décris une situation que tu connais aussi bien que moi. Tu y étais à Francfort, toi aussi. Ça se passait sous nos fenêtres. Et il se murmurait des choses bien pires. Des antisémites, des fascistes, il y en a encore. Et ils sont bien plus nombreux et protéiformes qu'on le croit. On peut faire comme s'ils n'existaient pas. On peut interdire le film et détourner le regard. Mais on les fera pas disparaître pour autant. La haine des juifs n'a pas disparu avec la chute du nazisme. La haine des autres fait et fera toujours recette. Si, et seulement si, on les laisse faire. Ce qu'on est incapable de changer, il faut au moins le décrire. Le danger, c'est de se taire, d'étouffer ses peurs, de les ignorer parce que le mensonge est bien plus confortable. Peut-être, mais il s'agit avant tout de décence et de respect. Personne n'est prêt à rouvrir ses plaies. C'est bon pour personne. Mais qu'est-ce que tu cherches à la fin? Ça te plaît tant que ça, les menaces, les insultes? T'as pas envie que tout s'apaise? Mais quel est le prix pour cette tranquillité? Le silence? L'abstraction? Un moindre mal, car personne ne veut parler de ça, et qu'il vaut mieux se taire! Mais c'est justement parce que personne ne veut en parler qu'il faut en parler. Ou alors qu'est-ce qu'on fait? On va se boire une bière à l'Éden et on fait comme si de rien n'était? Si on peut pas dire les choses, alors on peut pas les penser. Toutes mes pièces, tous mes films ne traitent que de cela. Si on fait disparaître ce film, alors pourquoi on fait pas aussi disparaître tous les autres? Au nom de la décence et du respect, comme tu dis. Voilà. Comme ça, tu seras content. Je mets le feu à mon texte pour que tu te sentes protégé et serein. Je suis sûr que tu te sens déjà mieux. Arrête, tu vas foutre le feu à l'appartement. De toute façon, je peux plus travailler. Tout ça, ça me déprime. Laisse faire, comme ça tout disparaîtra. Lâche-moi. Va-t'en. Va-t'en, je veux plus te voir. Je veux que tu quittes l'appartement, que tu disparaisses. Toi aussi. Va-t'en. Je ferai comme si t'avais jamais existé. Va à l'Éden, va refouler ta peur. Va être ce qu'on attend de toi. C'est tout ce que tu sais faire. Pour moi, tu n'existes plus, je t'interdis. Voilà, c'est ça. Je t'interdis. Dégage et ne reviens jamais. Dégage, je te dis. vas faire? Ne fais pas de conneries! Ouvre-moi! Ouvre-moi! Ouvre-moi! Février 1977, Munich. Il est 23h52. La ville a fait interdire l'ombre des anges aujourd'hui. Je suis Fassbinder. F dit l'antisémite, puisque c'est le rôle qu'ils m'ont confié. La ville fait de nous des cadavres vivants. Des personnages échappés d'un cabinet des horreurs, avec des sous-sols en guise d'espace vital, avec des rues qui nous empoisonnent quand nous pouvons encore l'être. Je vois plus de raison de supporter ce qui m'ôte le souffle, sans me l'ôter vraiment. Si je chantais des chansons qui défient l'abîme, serait une garce qui bouffe la cervelle de singe vivant. Et si je ne le fais pas, c'est moi qui me fais bouffer. Il faut bien être comme on l'exige de vous, sans quoi on est complètement perdu, ramené à rien du tout. Je veux plus vivre cette vie. Je veux en faire cadeau. Faire de moi une victime pour la ville, qui a besoin de victimes pour paraître vivante, et surtout pour me sauver. Pour me sauver de cette mort dans la vie, qui me rend pareil à ceux qui ont oublié ce que c'est que leur vie, qui se sont émoussés et se sont tus, et s'imaginent heureux, et oublient qu'en définitive ils ne le sont pas. Et nulle dent ne leur pousse pour se faire une place dans la jungle. J'abdique. Je fous le camp. Je vais trouver quelqu'un qui me rendra heureux. Il fait sombre. Et ça tremble dans ma tête. Tout existe. Le monde est petit, il est pensé, les innombrables pensées que l'on a pensées le mènent au bord du déséquilibre. Et un jour il sera pris d'un léger tremblement et s'effondrera. Et les pensées, laides ou belles, ne seront rien. Rien et tout. Aussi absurde que maintenant. Où es-tu, Armin? Armin. Armin. Armin. Armin. Tu sois plus là. J'ai peur, Armin. Ça tremble en moi. J'ai pas peur d'avoir peur. Je te le dis, j'ai peur. Je te le dis parce que ça existe. Je t'aime, Armin. Je te le dis parce que ça existe. Fassbinder, La peur en question, de Julien Barazé. Fassbinder, Damien Houssier. Ingrid Caven, Élise Caron. Armin Meyer, Pierre Moore. Bruitage, Sophie Bissens. Prise de son, montage, mixage, Olivier Dupré et Emmanuel Armingue. Assistant à la réalisation, Lélio Ploton. Réalisation, Cédric Ossier. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Fassbinder, la peur en question, notre invité Pierre Maillet, metteur en scène de théâtre. Bonjour Pierre Maillet. Bonjour. Vous êtes membre fondateur des Lucioles, une compagnie subventionnée en Bretagne. Vous êtes aussi acteur et metteur en scène, artiste associé à la comédie de Caen et de Saint-Étienne. Alors vous avez mis en scène des auteurs comme Peter Handke, Lars Norén et bien sûr Fassbinder, dont vous avez monté la pièce Les ordures, la ville et la mort à Rennes, puis à Paris au théâtre de la Bastille. Et c'est justement de cette aventure-là que nous allons parler avec vous, l'aventure de cette pièce et de son interdiction, mais aussi de votre choix et de votre travail sur ce texte et sur cet auteur qui est Rainer Werner Fassbinder. Était-il cet auteur d'abord provocateur, une image que certains ont voulu lui coller à la peau, ou peut-être simplement cet homme à vif qui était peut-être plus réceptif, plus angoissé que d'autres par les problèmes et les maux de notre époque? Moi, je serais plutôt d'accord avec votre deuxième définition de l'artiste, si tant est qu'on puisse le définir, parce que, comme vous le disiez, c'est quand même quelqu'un qui est extrêmement prolifique, qui en 10 ans et une quarantaine de films, une vingtaine de pièces de théâtre, on ne parle même pas des films dans lesquels il a joué et les pièces qu'il a mises en scène et adaptées. C'est quelqu'un qui a voulu, je dirais, embrasser la vie, la rendre la plus claire possible et la moins hypocrite. Et c'est ça, moi, qui m'a bouleversé dans l'ensemble de son travail, parce que je Les Ordures a été une pièce que j'ai voulu monter après en avoir monté déjà 2. J'adorais déjà ses films et tout ça, et je trouve en effet que le réduire à la provocation ce serait dommage, parce que finalement, je pense que c'est quelqu'un qui voulait se faire entendre et faire réfléchir les gens sur l'actualité de son époque, mais qui, sur bien des côtés malheureusement, n'a pas beaucoup changé. Et voilà, donc je pense que ça n'a pas la gratuité de la provocation. Je pense que c'est quelqu'un qui voulait vraiment toucher au plus près son public avec des questions profondes et évidemment vitales et humaines, parce que pour moi c'est l'un des artistes les plus humanistes qu'on ait eu la chance de rencontrer. À travers ses films. Boulimique également, c'est pas l'essentiel, mais c'est frappant. Il est mort à 37 ans, il a écrit, réalisé 42 films, une vingtaine de pièces de théâtre. C'était un gros bosseur, comme on dit. Aussi. Oh bah oui, ça fait rêver de se dire que c'était une époque où on pouvait faire 5 films en un an. Je préfère voir le côté plus positif de tout ça. C'est en effet, je pense que c'est quelqu'un qui devait sentir qu'il n'avait peut-être pas le temps de tout dire et de tout pouvoir traverser, donc il allait vite et du coup il allait à l'essentiel. Ouais. Pour vous, c'est une figure de proue des années 70 allemandes et finalement de l'Europe occidentale ? Oh oui, très clairement, très très clairement. Je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment... Moi j'étais trop petit pour m'en rendre compte, même si je me souviens d'affiches du mariage de Maria Braun, de Berlin Alexanderplatz, de choses comme ça où je commençais à être un petit peu plus grand pour comprendre. Évidemment de Querelle et de Véronique Avos qu'il avait fait juste avant de mourir. Et oui, je pense que c'est vraiment quelqu'un, on pouvait pas passer à côté, il a tout fait pour qu'on ne passe pas à côté, il avait bien raison. Alors, avant de parler de la polémique autour des ordures, la ville et la mort, moi, je voudrais qu'on parle de l'œuvre aussi, d'abord. Oui. De pourquoi vous l'avez choisie, qu'est-ce qu'elle nous dit, qu'est-ce que vous avez vu, vous, dans cette œuvre, au point de vouloir l'exploiter artistiquement, la mettre en scène ? Ben, c'est-à-dire, moi, j'aime beaucoup déjà, évidemment, tout ce qu'il raconte, donc... sur ce qu'on disait, sur une espèce d'urgence comme ça de raconter la société des années 70, la sienne. Mais c'était aussi une façon, je trouve, de travailler qui, moi, me touche énormément. Enfin, au-delà de la vitesse, c'était aussi quelqu'un qui écrivait pour des acteurs. C'était... Il a quand même... former, on peut dire, des techniciens qui sont devenus les plus grands directeurs de la photo, les plus grands techniciens son, les plus grands décorateurs, alors qu'avant, lui, il n'avait jamais rien fait. On pourrait à peu près dire la même chose de ses acteurs. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui trimbalait quand même un monde avec lui et qui, même malgré la noirceur de ses films, ou voilà le côté dramatique de tout ça, il y a quand même de l'humour, il y a quand même de la vie. C'est quand même quelqu'un qui fait réfléchir de façon, je dirais, profonde, mais aussi, quelque part, rendre ça de manière divertissante. C'est quelqu'un qui a réussi à réinventer le mélodrame, par exemple. Moi, je suis très, très touchée par ses premiers films, qui sont Le droit du plus fort, Tous les autres s'appellent Ali, tous ces drames, entre guillemets, sociaux, qui sont vraiment faits pour le plus grand nombre. Ça a été aussi un des premiers qui a accepté le média de la télévision, pour faire notamment son grand, grand feuilleton sur Berlin Alexanderplatz, qui a fait beaucoup de téléfilms et tout ça, parce qu'il savait, Bergman aussi a fait ça d'ailleurs, que c'était le meilleur moyen de faire passer son message. Donc c'est aussi quelqu'un de très généreux dans son travail. Et toutes ces choses-là, moi, m'ont beaucoup, beaucoup touché. Après, comme je suis plutôt quelqu'un qui est très... assez cinéphile, c'est-à-dire que le cinéma est très important pour moi, même dans mon travail au théâtre, je suis toujours très sensible aux artistes qui ont un pied dans les deux. Qui font à la fois du cinéma et à la fois du théâtre, et ce qui me touchait beaucoup dans ses pièces, et d'ailleurs c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui dit que finalement il fait des films comme il monte des pièces de théâtre et il fait ses mises en scène de théâtre comme s'il écrivait des films. J'aime beaucoup cette espèce de de rencontre de carrefour. Parce que c'est pas, parce que finalement c'est tout le temps les deux. Quand on regarde ces films, c'est le style. Ça aussi, c'est pas moi qui le dis, c'est Ingrid Cavan. Le style était très important chez lui et c'est, on voit très bien que c'est extrêmement mis en scène. C'est d'une précision totale, les plans sont d'une beauté magnifique et tout ça, il arrivait à le faire en une dizaine de jours, donc c'est quand même assez fascinant. Et alors vous, concernant les formes artistiques des ordures, la ville et la mort, c'est une pièce complexe, hein, ça nécessite beaucoup d'acteurs, la forme emprunte au collage et à l'opéra et peut-être à autre chose encore. Comment on se sort de ça quand on est metteur en scène, c'est quoi la méthode? La méthode, on n'a qu'à se plonger dedans et se régaler, je vais dire, parce que c'est vrai que quand on est face à une pièce comme ça, qui est selon moi sa plus aboutie, qui en plus, cette espèce de monde, encore une fois, qui mélange le cabaret, le mélodrame, le polar, c'est pour moi tout Fassbinder est dedans. C'est pas pour rien que quelque part c'est sa dernière pièce. Parce que, et dans les thématiques sur la différence, sur les minorités, sur l'Allemagne évidemment, l'hypocrisie, tout est là. L'histoire d'amour est à tomber par terre. Et c'est vrai que c'est une des rares pièces de Fassbinder où les didascalies sont tout aussi belles que les choses qui sont dites. Belles et fortes. C'est-à-dire que c'est ça pour un metteur en scène, c'est quand même magnifique de pouvoir se plonger avec l'autorisation, voire... c'est même obligé. Vous les suivez, c'est comme Fedot qui mettait beaucoup didascalie. Ça n'a rien à voir dans le style, mais juste pour les didascalies. On rappelle aux auditeurs que ce sont des notes d'auteur, quand il écrit sa pièce, il dit là machin va prendre un verre côté cour, côté jardin. Là où c'est beau. C'est-à-dire que c'est là où c'est différent de Fedot, même si pour d'autres raisons, j'aime beaucoup Fedot. C'est pour les didascalies que je faisais la comparaison. Bien sûr. Rien d'autre. Mais ce qui est très beau chez Fassbinder, c'est qu'elles sont extrêmement poétiques et qu'elles vous laissent toute la liberté d'en faire ce que vous voulez. C'est-à-dire, par exemple, la première, c'est sur la Lune, parce que c'est aussi inhabitable que la Terre. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on on va évidemment pas illustrer la Lune, mais ça donne bien, quelque part, l'esprit, le goût, le décor dans lequel il veut planter tout ça. Ouais. Donc, il y a quelque chose d'à la fois extrêmement réaliste dans ce qu'il raconte, mais aussi de complètement onirique. Et ça, pour un metteur en scène et pour des acteurs, c'est, encore une fois, c'est un régal. Les chansons qu'il met dans la pièce, c'est lui qui les écrit, parce qu'il écrit aussi des chansons, hein. Ça, on le dit pas beaucoup. Mais Ingrid Cavan, par exemple, tout son répertoire, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment superbe, c'est des chansons qu'il a écrites pour elle. Donc, il y avait aussi un rapport à la musique, par exemple, et qui est très présent dans cette pièce. Je crois même que c'est la seule. Donc c'est vrai que c'est, je dis toujours, moi, que c'est un peu son opéra de quatre sous, vous voyez. Voilà, j'allais vous le dire, il y a un côté Brecht, de toute façon, la filiation Brecht et Fassbinder est claire, non? Oh oui, très clairement, très clairement. Et dans cette pièce-là, encore plus. Vraiment, c'est très très fort. C'est très très fort. Bon, Pierre Maillet, on va se séparer en juste 3 minutes, et puis après on parlera de la pièce et de toute la polémique, et aussi de votre implication, parce qu'après tout, fallait avoir le courage de monter cette pièce, même si d'un point de vue artistique, elle était très alléchante. Donc on se retrouve dans 3 minutes. Die bei Nacht entstehen und am Tag vergehen, sind meistens gar nicht wahr, weil sie unter den Millionen unsere Illusionen geboren sind. Träume sind wie ferne Wolken, denen andere folgen. sag mir, sag wohin sie treiben, wo sie einmal bleiben, weiß nur der Wind. Wie ein Wunder ist die Welt. Pierre Maillet, on va parler maintenant de toute cette polémique autour de cette pièce « Les ordures, la ville et la mort ». Alors, les accusations d'antisémitisme ne sont pas justifiées sur le fond et la réalité de la pensée de Fassbinder, ça c'est clair. Mais enfin, on peut quand même comprendre ce qu'a été la réaction du public, je veux dire, dans sa dimension, comment dire, épidermique. En même temps, on peut pas la comprendre puisque le public n'a pas eu la chance de s'en rendre compte, étant donné que en Allemagne, dès que ça veut être monté, c'est systématiquement interdit. Qu'au cinéma, finalement, c'est le film n'est quasiment pas sorti, à moins pour les gens qui vraiment avait envie de le voir. Donc on peut pas vraiment dire que c'est un scandale public. C'est un scandale plutôt interne, je dirais. J'ai su par la suite que finalement ça a été même quelque chose qui est parti du journalisme. C'est parti en Allemagne, en tout cas à l'époque, d'un article qu'un critique avait fait sur la pièce pendant qu'elle était en train de se répéter, où finalement il a tiré, sorti du contexte, des extraits de la pièce, parce que la pièce met en scène évidemment un personnage qu'on appelle, et c'est très important, avec des guillemets, le juif riche, mais elle met en scène aussi beaucoup d'antisémites. Et c'est là où la pièce est extrêmement violente et extrêmement préoccupante. Et vu ce qu'on entend aujourd'hui, il avait encore une fois plutôt vu juste. C'est-à-dire que les gens qui pensaient encore que finalement on n'avait pas fini de gazer les juifs payaient des prostituées pour pouvoir le dire. Donc en fait, pour moi, la pièce, elle parle surtout de ça. La pièce est une critique extrêmement violente et extrêmement... clair, radical, ouais, sur la société allemande de l'époque qui est en pleine reconstruction, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et qui, à juste titre, évidemment, a envie de passer à autre chose. Mais ce que dit Fassbinder, c'est qu'on ne peut pas passer à autre chose tant qu'on n'a pas réglé le problème initial. Si les gens continuent à penser ça en 75, voilà. Et le personnage polémique, l'autre polémique au-delà des discours antisémites qui sont dans la pièce, mais encore une fois dit par des personnages clairement antisémites, c'est donc ce personnage du juif riche qui est un magnifique personnage, avant toute chose, qui a perdu toute sa famille dans les camps et tout ça, et qui, lui aussi, quelque part, entre guillemets, pas profite, hein, ça serait pas le bon mot, on va encore mal comprendre, mais quelque part, c'est une démarche presque suicidaire. C'est un homme qui a tout perdu et qui n'a plus aucun scrupule à travailler comme ça dans cette société qui ne l'aime pas, qui ne le reconnaît pas, qui le déteste et qui l'appelle le juif riche. C'est pas lui qui s'appelle le juif riche. En fait, c'est pas Fassbinder qui appelle le juif riche. C'est important. Parce que tout est parti de là. Bien sûr. En fait, ce que nous dit Fassbinder, en résumé, c'est qu'il n'y a pas de question juive, il y a une question antisémite. Et c'est différent. Et c'est très différent. C'est très différent. Et c'est en ça où, quelque part aussi, la pièce est beaucoup plus riche que ça. Parce qu'évidemment, il y a ce personnage, il y a les antisémites, mais il y a aussi d'autres étrangers. L'histoire d'amour, justement, qui est un peu le centre de la pièce, est entre une fille qui est la fille d'un ancien nazi qui est travesti dans un cabaret, avec un Yougoslave que tout le monde déteste aussi. Donc c'est un monde de gens qui sont complètement perdus, qui ne savent plus comment continuer à vivre. Et ce que montre Fassbinder à une époque où, en effet, les gens n'avaient peut-être pas envie, ou n'avaient pas la capacité, pas intellectuelle, mais parce que c'était trop près, de l'entendre ou de le comprendre, c'était de se dire que c'était pas fini et que c'était plutôt en train de se reproduire dans l'ombre. Voilà. Alors, les ordures, la ville et la mort, on le rappelle, hein, a subi 25 ans de silence imposé pour une pièce qui traite précisément du silence face à l'histoire, c'est quand même un comble. Donc, vous avez pris un risque. Est-ce que vous vous êtes dit, je monte cette pièce, je prends un risque, et puisque je prends un risque, ça me donne envie de la monter, ou est-ce que vous aviez quelques craintes? Oh ben, des craintes, j'en avais. J'ai été extrêmement impressionné. Évidemment, j'avais très très peur de ce qu'on pouvait me reprocher là-dedans. Sauf que j'ai tellement aimé la pièce. J'ai trouvé ça tellement injuste, encore une fois, que personne ne puisse y avoir accès. Que tout ce qui est sulfureux autour de cette pièce est finalement une rumeur, puisque on ne peut pas la lire, on ne peut pas la voir. Et le plus grave, c'est évidemment qu'on puisse penser que Fassbinder soit antisémite, alors qu'il n'y a pas un cinéaste qui a été le plus proche des minorités de la différence que cet homme-là. Donc je me dis, à un moment donné, ça fait beaucoup trop d'injustice et c'est grave quand même que cette pièce, vu la qualité, pour toutes les raisons qu'on essaye de nommer là, on n'aura même pas le temps de dire à quel point elle est grande, mais qu'elle soit comme ça empêchée. Je trouve que pour des mauvaises raisons, et en plus qui entache la réputation d'un artiste comme lui. Donc moi, quand je me suis mis à me dire, ben justement, avec ma bande, parce que c'est un spectacle de bande, on était nombreux, c'est avec les Lucioles, avec Martial Di Fonzobo, on avait des musiciens sur scène, on avait 13 acteurs, on avait des costumes, on avait des... Enfin bon, tout ce qui nécessite cette folie théâtrale qu'il avait mis en scène, on s'est dit, il faut défendre ça, parce que finalement, là, c'est une pièce complexe, mais ce n'est pas une pièce ambiguë. C'est là où c'était important de faire la différence. Alors, pardon de vous couper, mais... Pardon, je vous en prie. Mais comment ça s'est passé donc à Rennes en 2003? Donc les spectateurs sont venus, ils ont vu la pièce, ça a bien marché, mais est-ce qu'il y a eu polémique? Comment ça s'est passé? Non, il n'y a pas eu polémique. Encore une fois, il y en a eu juste une qui, une nouvelle fois, partie d'un article qui était paru à l'époque dans Le Monde, pendant qu'on jouait le spectacle au Théâtre de la Bastille. Juste déjà pour vous répondre, justement, de polémique, il n'y en a pas eu. Il y a eu des gens qui n'ont pas aimé. Bon, ça, c'est leur droit. Mais personne n'a remis en question l'ambiguïté de la pièce, l'antisémitisme, on n'en parle même pas. Enfin, voilà, c'est une pièce difficile et complexe, donc on peut ne pas avoir envie de regarder ça ou de l'entendre. Mais en tout cas, il n'y avait aucun problème. Et cet article qui est sorti, il se trouve que ce journaliste n'avait pas aimé le spectacle, c'est encore une fois tout à fait son droit, mais ne comprenait pas en fait que dans son article, qui était quand même en plus très grand, j'étais très content d'avoir une page dans Le Monde, mais bon là, je posais la question. C'est-à-dire qu'en gros, la personne se méfiait beaucoup du spectacle en disant, puisqu'en effet on peut pas vérifier, comme si j'avais édulcoré les choses, comme si j'avais pas... Je voulais tellement la défendre que finalement, ce n'était pas possible que cette pièce ne soit que ça, dans le sens... Ah oui, par rapport à ce qu'elle avait provoqué. Par rapport à l'histoire. D'accord. Et donc, ça, cette question-là, qui était vraiment au centre de son article, a quand même provoqué une alerte à la bombe le lendemain. Et tout de même. Voilà. Bon, évidemment, il n'y avait pas de bombe, il n'y avait rien du tout, mais c'est quand même très fort. C'est de se dire que quand même... cette pièce souffre aussi énormément de comment on en parle et qu'à un moment donné, ça suffit peut-être et que ce qui serait bien, ce serait qu'on l'édite ce serait qu'on puisse la monter, encore une fois, que ça crée un débat. Mais encore une fois, nous, on l'a quand même joué beaucoup, un mois à Paris. Heureusement, j'étais très content quand même que cette chose-là puisse être vue et entendue. C'est que jamais personne ne nous a reproché quoi que ce soit au point de vue du fond. Bien au contraire. Alors dites-moi, pourquoi cette pièce, on l'a pas revue? Si c'est un bon spectacle, qu'on a réussi à prendre le recul nécessaire et qu'il faut voir le spectacle pour pouvoir émettre une critique qui soit intelligente. Bien sûr, hein, c'est normal. Dit, bon, pourquoi, est-ce qu'elle est montable aujourd'hui? Mais bien sûr qu'elle est montable. Après, le problème, c'est la peur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Moi, j'ai envie de la voir. Hein, vous m'avez donné envie, là. Ben oui, ben moi je veux bien la reprendre. Ben alors, reprenez-la. Non, mais c'est vrai, non, ça a été un grand. Non, bien sûr, non, mais ça a été un grand souvenir. Ça a été un des spectacles les plus importants dans notre histoire à tous, parce qu'on l'a vraiment porté et c'était un très très grand moment. Donc, mais je trouve aussi que même par rapport, enfin nous quand on l'a monté à l'époque, il y avait eu Le Pen qui était passé au premier tour, etc. Donc elle prenait encore plus de force. Oui, c'était en 2003. C'est exactement. Oui. Voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les langues sont tellement déliées. C'est-à-dire que c'est là où elles seraient peut-être pas dépassées, parce que je pense pas qu'on puisse dépasser ce genre de problème. Mais là, on a passé un cap quand même où finalement, tous les gens qui, justement, payaient des prostituées pour pouvoir dire des choses terrible, bah là maintenant ils passent à la télévision, ils sont même à deux doigts d'être élus, donc c'est là où en plus en 10 ans, encore une fois, c'est quand même quelqu'un d'extrêmement visionnaire sur ce qui peut ressurgir de façon inattendue, et pour que ce ne soit plus inattendu, il faut peut-être y prêter un petit peu plus attention. Donc on est d'accord, on va la monter. Je sais pas qui, alors, j'encourage vraiment tout le monde à le faire. Très bien, ce sera le mot de la fin. Pierre Bayet, je vous remercie infiniment. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Fassbinder, La Peur en question. Une fiction écrite par Julien Barazer, réalisée par Cédric Ossir et Nathalie Goutal. Émission proposée par Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Ronan Mahé.